Activité 4. Mademoiselle ? Bonjour, monsieur. C'est pour une inscription. Voilà mon passeport, une photo et mon formulaire d'inscription. Bien, merci. Oh, mon café, je suis désolé. Votre nom, Martinez. Prénom, Diane. Quelle est votre date de naissance ? Le 3 ou le 9 ? Le 9. C'est le 9 février 1980. Bien. Nationalité française. Oui. Quelle est votre adresse ? Le numéro 30 ? Oui. J'habite 30 rue du Théâtre. Et quel est votre numéro de téléphone ? C'est le 01 40 35 29 18. Merci.